Des petits bonhommes de paille partout qui jouent avec le feu. Des machines à penser pour nous, obligés d'être heureux. Le pouvoir dans les mains des fous, un pour tous, tous pour eux. Ordinateur, priez pour nous, pour qu'on oublie d'être vieux. Elle est inquiète, la belle planète. Les possédants veulent posséder. Les présidents des baïonnettes. Sont recrutés pour baïonner. On paye pour se faire péter de la broue par des fous dangereux qui cherche à nous mettre à genoux pour qu'on voit pas leurs yeux. Des penseurs qui pensent après coup quand c'est devenu sérieux. Des voleurs qui jouent au gourou en vendant du bon Dieu. Elle est inquiète, la belle planète. Le veau d'argent prend le mort aux dents. Les généraux dans leur whisky, ouais. Au poker avec nos vies. Télé, mensonges ou propagande, on n'est plus sûr de rien. C'est nous les bons, eux les méchants, et Dieu nous veut du bien. La vérité s'est maquillée, un peu trop, ça paraît. On est mené par le bout du nez, plus ça va, plus on le sait. Elle est inquiète, la belle planète. C'est demain l'éternité. Ils ont le doigt sur la gâchette. Si on dit rien, ça va péter. Si on se plaint, on se fait boucler. Les petits malins vont